بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Et donc le 13e chapitre, le chapitre de la menace pesant sur celui qui parle du Coran, se basant sur son opinion et ce dont il n'a pas de science. Allahu Akbar. Et donc ici, l'auteur, rahimahullah, il nous montre le danger qu'il y a de parler dans le fait de parler d'Allah tabaraka wa ta'ala sans science. Ibn Abi Shayba, il cite dans son Musannaf que, donc selon Ibrahim al-Taymi, qui dit que Abu Bakr fut interrogé concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala fakihatan wa abba. Dans Surat Abbasa, Surat Abbasa, le verset 31. Alors, il a dit Abu Bakr, radiallahu anhu, Ayyu sama'in tuzilluni, wa ayyu ardin tuqilluni, idha kultu fi kitabillahi ma la a'lami. Il a répondu Abu Bakr, radiallahu anhu, quel ciel va me couvrir et quelle terre va me supporter si je parle du livre d'Allah en me basant, si je dis du livre d'Allah ce que je ne connais pas. Subhanallah, regardez ce beau comportement qu'il a à Abu Bakr radhiyallahu anhu. On l'interroge sur un verset que beaucoup de personnes connaissent, sur la Abbasa. Et malgré cela, il ne veut pas répondre parce qu'il a peur de parler du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala sans science. Et ça, c'est le comportement des salafs, des pieux prédécesseurs. Le fait d'avoir peur de parler d'Allah tabaraka wa ta'ala sans science. Allah Azza wa Jal qui dit dans son livre, dans la sourate 7, Al-A'raf, le verset 28, et taquluna ala Allah ma la ta'lamun. La sourate 7, verset 28, est-ce que vous dites d'Allah ce que vous ne savez pas? Est-ce que vous dites d'Allah ce que vous ne savez pas? Et il y a aussi dans cette tafsir l'incitation à apprendre le tafsir. Le tafsir, l'exégèse du Coran est une science très importante qu'on ne peut pas négliger. Si tu ne cherches pas à apprendre le tafsir, l'exégèse du Coran, de quoi vas-tu parler? On a besoin de faire le rappel d'Allah, on a besoin de se faire mutuellement le rappel d'Allah. Et donc quand on va se faire mutuellement le rappel d'Allah, on va parler des versets d'Allah sans connaître le sens, sans connaître ce qui est voulu par là. Et donc il est impératif aux chers frères qu'on cherche à trouver du temps pour étudier le tafsir, l'exégèse du Coran. Ensuite il dit l'auteur, rahimahullah, la parole d'Allah le Très Haut dit, certes ce que mon Seigneur a interdit sont les turpitudes apparentes et cachées jusqu'à sa parole et que vous disiez d'Allah ce dont vous n'avez aucune science. Na'am. Ça, barakallahu fikoum. Donc la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il innama harrama rabbi al-fawahish, dit certes mon Seigneur a interdit, ce que mon Seigneur a interdit sont les turpitudes apparentes et cachées. Ma zahara minha wa ma batan, wal ism wal baghya bi ghayri al-haq, le péché et la transgression sans droit. Wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, et que vous accordiez à Allah donc un associé dont il n'a fait descendre aucune preuve. Et que vous disiez d'Allah ce dont vous n'avez aucune science. Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset. Est-ce que vous avez le numéro du verset cité dans votre... Non? Verset 33. C'est marqué, hein? Pas dit. Et donc ici, barakallahu fikoum, Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait le lien, il a lié le polythéisme au fait de parler de lui sans science. Il a cité parmi les interdictions le polythéisme et juste après le fait de parler de lui sans science. Et cela montre le danger de ce péché. Certains savants disent même que Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il a cité les interdictions du moins grave au plus grave. Certains savants nous disent. Pour nous dire donc ici, le fait de parler d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sans science, c'est encore plus grave que le polythéisme. D'ailleurs, le polythéisme en lui-même, c'est une parole sur Allah sans science. Le polythéisme en lui-même, c'est une parole sur Allah sans science. Le fait d'attribuer à Allah un enfant, le fait d'attribuer à Allah un égal, le fait d'adorer autre que Allah, tout cela, c'est une parole sur Allah tabaraka wa ta'ala sans science. Et donc le polythéisme, c'est une forme de parole dépourvue de science. Allah Azza wa Jal qui dit dans son livre, la sourate 47, Al-Ahqaf, le verset 4, قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ In kuntum sadiqin. Dit, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah, ce que vous adorez en dehors d'Allah. Montrez-moi ce qu'ils ont créé sur la terre. Ou alors, est-ce que vous avez donc amlahum shirkun fis samawat? Est-ce qu'ils ont une quelconque participation dans les cieux? Venez à moi avec un livre qui a été cité avant celui-ci, avant le Coran. Un livre qui montre que Allah, il a des associés dans la création des cieux et de la terre. Ou alors des restes de science, si vous êtes véridique. Et donc le fait de parler d'Allah sans science, le polythéisme, ici dans ce verset, on comprend que le fait que le polythéisme revient au fait de parler d'Allah sans science. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, et d'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui parle du Coran se basant sur son opinion et dans une narration sans science, qu'il prépare sa place dans le feu, rapporté par Tirmidhi qu'il a jugé correct. Dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a un narrateur qui s'appelle Abdul A'la ibn Marwan al-Tha'labi. Abdul A'la ibn Marwan al-Tha'labi. Et c'est à cause de ce narrateur que le hadith il est faible. En réalité, le hadith est faible. Et vous voyez donc que Al-Tirmidhi, rahimahullah, l'a jugé correct. Et donc, il se peut qu'un savant juge un hadith correct et que d'autres le jugent incorrect. La base, donc, ce qui est pris en compte, c'est la preuve. Celui qui est venu avec des arguments. D'accord ? Ça, c'est important. Donc, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, et d'après Jundub Galalagré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui parle du Coran se basant sur son opinion, puis a raison, ce sera certes trompé. Mashallah. Celui qui parle du Coran en se basant sur son opinion, mais en fait il a raison dans ce qu'il dit, eh bien malgré le fait qu'il a raison, il s'est trompé, rapporté par Abu Daoud al-Tirmidhi qui a dit, étrange, na'am. Al-Tirmidhi rahimahullah, il a montré, il fait une allusion ici pour nous montrer que le hadith est faible. Et ensuite il dit Al-Tirmidhi rahimahullah, il dit après avoir dit cela, وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم. Il dit Tirmidhi, après avoir cité ce hadith et après avoir montré que le hadith est faible, il dit, et c'est ainsi que cela a été rapporté de certains des gens de science parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que d'autres, qu'ils impliquaient la dureté quant au fait d'expliquer le Coran sans science. Ils impliquaient la dureté quant au fait d'expliquer le Coran sans science. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. Il dit, en ce qui concerne ce qui a été rapporté de Mujahid ainsi que Qatada et d'autres qu'ils auraient expliqué le Coran. Mujahid et Qatada font partie des savants parmi les tabi'in qui ont expliqué le Coran. Et eux, ils l'ont pris des sahaba. Ils ont pris cela des sahaba. Et donc, il dit, concernant Mujahid et Qatada, le fait qu'il a été rapporté qu'ils ont expliqué le Coran, alors nous ne pensons pas qu'ils ont parlé du Coran ou qu'ils l'ont expliqué sans science. Ou alors qu'ils ont fait cela venant, ils ont cité une explication venant d'eux-mêmes. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا. Et certes, il a été rapporté d'eux, donc Mujahid et Qatada, ce qui confirme ce que nous avons dit, c'est-à-dire le fait qu'ils n'ont pas expliqué le Coran en se basant sur leur propre connaissance à eux, mais c'est plutôt, ils ont expliqué le Coran en se basant sur ce qu'ils ont appris des compagnons. أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. Et donc le fait qu'ils n'ont pas, donc ils ne se sont pas basés sur leur propre opinion ou ils n'ont pas parlé du Coran sans science. Ici cette parole de Tirmidhi concernant le fait, donc la gravité et l'interdiction qu'il y a dans le fait de parler du Coran sans science. Et ça, dans la colonne, du coup, les frères, ça c'est un sujet sur lequel il faut qu'on fasse très attention. Parfois on est là, on va parler, on sort un verset, et on sort l'explication du verset sans avoir même cherché à comprendre. C'est grave. Là, tu es en train de parler de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu ne parles pas de la parole de n'importe qui. Il faut faire très attention à ça. C'est un jeu dangereux. L'auteur qui nous dit après cela, rahimahullah, le chapitre des textes concernant le débat sur le Coran. Certes, barakallahu fikoum, il est important de savoir qu'il nous a été interdit de débattre concernant le Coran. Cependant, il faut savoir que le débat se divise en deux. Il y a un débat qui va être blâmable et un débat qui va être louable. Comme on avait déjà vu dans les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, rahimahullah. Le débat qui va être louable, comme dans la parole d'Allah, تبارك وتعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. Appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse ainsi que les bonnes exhortations et débat avec eux de la meilleure des façons. Donc c'est la sourate 16, le verset 125. Al-Nahl, sourate 16, le verset 125. Allah Ta'ala wa Ta'ala dit donc concernant le peuple de Nuh, ils ont dit à Nuh, il dit Ta'ala wa Ta'ala, qalu ya Nuh, qad jadaltana fa aktharta jidalana, fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Ils dirent, oh Nuh, tu as débattu avec nous et tu as beaucoup débattu. C'est comme s'ils disent, tu nous as fatigués avec le débat. Hein? Parfois, certains, ils ont peur de fatiguer leurs proches, peur de fatiguer leur famille, etc., etc. Et ici, Noé, il a beaucoup débattu avec son peuple. Alors, viens à nous avec ce que tu nous promets, si tu es véridique. Sourate Hud, donc la sourate 11, le verset 32. Et donc, le débat qui est blâmable, ou le débat qui est louable, excusez-moi, c'est le débat qui va être fait pour défendre la vérité. Quand les gens vont débattre pour défendre la vérité, ce débat est louable. Par contre, le débat qui est blâmable, comme dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idha ja'uka yujadilunak. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ Sourate Al-An'am, la sourate 6, le verset 25. La sourate 6 et le verset 25. Et donc ici dans cette sourate, Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous montre que les incroyants, il nous dit donc, et si ils voient tous les versets, ou alors si ils voient tous les signes, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Même s'ils voient tous les signes, ils n'y croient pas. Jusqu'à ce qu'ils viennent à toi et qu'ils débattent avec toi en disant, et donc ceux qui ont mécru, ils disent, ceux-ci ne sont que des contes anciens. Et donc ici, ces gens-là, ils vont débattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rejeter la vérité. Et donc le débat qui est blâmable, c'est le débat pour rejeter la vérité. Comme on va voir aujourd'hui, barakallahu fikoum, on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ordonne quelque chose, Allah azza wa jal qui ordonne quelque chose dans son livre. Et nous, on va chercher à débattre pour ne pas appliquer ce verset, pour ne pas appliquer ce hadith. Ça, c'est quelque chose de dangereux. Ça, c'est un débat qui est très, très, très dangereux. La personne qui fait ça, elle se met dans une situation très, très, très risquée, car Allah tabaraka wa ta'ala a interdit ce débat. Et ce débat-là, cette forme de débat, ne fait pas partie des caractéristiques des croyants. Mais le croyant, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète, il leur donne quelque chose, il se soumet. Il y a encore une autre forme de didel, de débat, un débat qui est blâmable aussi. Il va rentrer donc dans la deuxième forme. C'est donc un débat que les gens vont appliquer en n'exposant les textes les uns contre les autres. Et donc tu prends un texte du Coran et il va venir avec un autre texte pour montrer que ça contredit, etc., etc., etc. Ce débat-là, il est fortement blâmable et l'auteur, il va nous citer des textes qui montrent cela. Aussi, barakallahu fikoum, le débat est une porte d'égarement. Le débat, c'est une porte qui mène à l'égarement. L'imam Ahmed, il rapporte dans son Mousned, selon Abi Umama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mais dhalla qawmun ba'da hudan kanu alayhi illa utu jadal » Aucun peuple ne se sont égarés après avoir été sur la guidée sans qu'il se soit adonné au débat. Et après avoir dit cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ma darabuhu laka illa jadala, bal hum qawmun khasimun. Donc sourate Az-Zukhruf, la sourate numéro 43 ou 42, à vérifier, je pense plus 42, le verset 58. Et ils n'ont cité cela que pour débattre. Et certes, c'est un peuple qui débat beaucoup. Abu Aliya, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, Abu Aliya a dit, il y a deux versets qui sont vraiment durs pour ceux qui débattent sur le Coran. La parole du Très-Haut, les seuls à débattre sur les versets d'Allah sont ceux qui ont mécru. Allahu Akbar. Subhanallah. Les seuls à débattre sur les versets d'Allah sont ceux qui ont mépru. Cette parole, elle est dure, les frères. Vraiment, ça nous montre qu'il ne faut pas débattre avec la parole d'Allah. Allah, il nous dit, on fait ça, on fait ça. Il ne faut pas chercher à débattre. Il faut vraiment... Ça, c'est un grand danger. Il faut fermer cette porte. Et ça, dit Rahimahullah, il nous dit concernant le tafsir, dans son tafsir, ça, il nous dit concernant ce verset, il nous dit « Wal muradu bil mujadalati huna » المجادلة برد آيات الله تبارك وتعالى ومقابلتها بالباطل فهذا من صنيع الكفار وأما المؤمنون فيخضعون لله تعالى Il dit Saadi رحمه الله dans l'exégèse de ce verset. Ce qui est voulu par le débat ici, c'est le débat pour rejeter les versets d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Et le fait de les remplacer par le faux. Ceci fait partie des agissements des incroyants. Par contre, les croyants, eux, ils se soumettent à Allah le Très-Haut. Fin de citation. Et donc ça, c'est très important. Encore, je le répète, les frères, nous ne devons pas débattre avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais nous devons nous soumettre. Ensuite, il continue l'auteur et la parole d'Allah, toujours dans le même chapitre, ou même, excusez-moi, toujours dans le même paragraphe, parce que je n'avais pas fini le paragraphe. Parce que dans ce paragraphe, il a cité deux versets. Et donc le deuxième, certes, ceux qui s'opposent concernant le livre, c'est-à-dire concernant le Coran, sont dans une déviance profonde. Subhanallah. Et donc, Saadi, il dit toujours, ici, concernant ce deuxième verset, il dit Saadi, rahimahullah. Et donc, ils sont dans une déviance profonde, il dit, لِأَنَّهُمْ قَدْ خَالَفُ الْكِتَابِ الَّذِي جَاءَ بِالْحَقِّ الْمُوجِبُ لِلْإِتْتِلَافِ أو لِلْإِتْتِفَاقَ وَعَدَمِ التَّنَاقُدُ. Et donc ces gens-là sont dans une déviance profonde car ils ont contredit le livre qui est venu avec la vérité. Et cette vérité qui implique l'union et le fait de ne pas être contradictoire, le fait de ne pas être dans le débat. Fin de citation. Et donc, barakallahu fikoum, le débat blâmable est un débat qui mène à la division, qui mène au mal, qui mène à la déviance. Nous devons délaisser cela. Nous devons délaisser toute forme de débat et accepter clairement les paroles d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et certes, la divergence qu'il y a dans la communauté, ici, on a dans ce verset, ce deuxième verset, le fait que les divergences qu'il y a dans la communauté font partie du fait de ne pas suivre le livre. Parce que si on suit le livre, on ne s'oppose pas. Contrairement à ceux qui nous disent « Irtilef ou Mati Rahma » La division qu'ils disent, la division qu'il y a dans la communauté est une miséricorde. Ça, c'est un hadith inventé, ça. Et on va le voir bientôt, Inch'Allah Ta'ala. La division qu'il y a dans la communauté est une miséricorde. Ouais, il dit ça. La division de la communauté est une miséricorde. C'est un hadith inventé. Fayyib, la dernière parole de l'auteur qu'on va voir dans ce cours. Donc, l'auteur qui nous dit, Rahimahullah, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un débat sur le Coran est une mécréance » rapportée par Ahmed et Abu Daoud avec une bonne chaîne de transmission. Et dans le hadith que rapporte Amr ibn Shu'ayb de son père, qui le rapporte de son grand-père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a entendu des gens débattre sur le Coran et a alors dit, ceux d'avant vous ne sont tombés dans la perdition que par leurs oppositions au sujet du livre. Allahu Akbar. Comme on a dit précédemment, les frères, le fait de débattre sur le Coran, cela va entraîner le fait de rejeter certains versets. Le fait d'exposer des versets à d'autres, cela va entraîner le fait de rejeter certains versets. Et ça, c'est ce qui résulte du débat. Et ceci est très grave. Ça va pousser les gens à rejeter certains versets. Et ça, c'est de la mécréance. Voilà pourquoi il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, un débat sur le Coran est une mécréance. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, « Afatu'minuna bi ba'di al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddi al-'adab. » Surat al-Baqarah, donc la sourate 2, verset 85. Allez-vous croire en une partie du livre et rejeter l'autre? Quelle rétribution y a-t-il pour ceux qui font cela parmi vous, en dehors de l'avilissement ici-bas, et au jour de la résurrection, ils seront envoyés vers un châtiment plus terrible? Ou du moins vers le châtiment le plus terrible. Et donc on va arrêter là. Bismillah ta'ala. Jazakumullahu khairan. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.